بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. لفضل بروفيتابل دون توحيد لا جوز بريدانس العقيدة. par notre humble cheikh يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله، سنواصل في درسنا الذي هو المبادئ المفيدة في الفقه والتوحيد والعقيدة من مؤلفات شيخنا الناصح الأمين يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Après cette interruption, qui a duré quelques temps, en attendant que le site se réouvre, plus les quelques problèmes techniques qui sont venus, je m'excuse déjà par rapport à cela, nous allons poursuivre, Inch'Allah, dans ce ders, qui sont Al-Mabadi Al-Mufida, dans le Tawhid Fiqh Al-Aqida, de notre cher Yahya ibn Ali Al-Hajuri, Hafizahullah Ta'ala. Nous avions la dernière fois parlé autour de ce qui est de la basmala et la divergence qui s'est rapportée de façon résumée, alhamdoulilah. Il y a un point que j'ai oublié de citer, important, dans la basmala, qui est le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est que yani le taqdir en arabe, on avait dit que la basmala elle s'accroche à l'action dont le serviteur a l'intention d'accomplir. Par exemple, on avait dit, s'il veut lire, le taqdir c'est Bismillah Akra, et au nom d'Allah je lis, et ainsi de suite. En fait, non, il faut qaddam le muqaddar ala al muta'allaq bi. En fait, ce qu'il faut, c'est mettre en premier, par exemple, ne pas dire Bismillah Akra, mais plutôt Akra'u Bismillah. Akra'u Bismillah, Aktubu Bismillah, Ajiz Bismillah, Adrus Bismillah, ainsi de suite. L'action que tu as l'intention de commettre, de faire, doit être devancée sur la basmala. Car cela, tufidu l'hasr, cela donne à restreindre cette action au nom d'Allah. Par exemple, quand tu dis, c'est comme quand dans la Fatiha, lorsqu'on dit Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous cherchons de l'aide. Pourquoi est-ce que on a qaddam le maful bihi qui est là dans le verset, c'est Iyaka qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala pour dire c'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous cherchons de l'aide. C'est pour limiter la chose, que celle-ci soit restreinte qu'à Allah. Car si tu dis nous t'adorons toi et nous recherchons de l'aide auprès de toi, cela n'empêche pas de pouvoir adorer autre qu'Allah, dans le terme employé. Hein, cette adoration n'est pas limitée qu'à Allah. Alors que lorsqu'on qaddam, on met en avance ce qu'on appellerait le maful bihi, qui est l'équivalent du COD en français, cela limite la chose à Allah. Quand on dit Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, c'est-à-dire nous adorons que toi. Par contre, si nous avions dit na'buduk, figurez le Coran, na'buduk, nous t'adorons toi, cela n'empêche pas d'adorer autre que Allah dans le terme. Donc là c'est pareil, lorsqu'on dit akra'u bismillah, on qaddam le muqaddar, le terme sous-entendu, on le fait prédominer sur la basmala pour dire que nous ne lisons que au nom d'Allah. Cela amène à une limitation. Cela est restreint à la basmala. Donc en réalité, on dit Akra'u Bismillah. Je lis au nom d'Allah. Et non pas au nom d'Allah, je lis. Ce n'est pas faux de dire le deuxième, le premier est plus fort. D'accord, le premier est plus fort. Aktubu Bismillah. J'écris au nom d'Allah. Ahfazu Bismillah. Je mémorise au nom d'Allah. Et ainsi de suite. Donc Muqaddam, le Muqadda. Ensuite, Nous allons commencer. Nous avions pris le titre, Al-Mabadi Al-Mufida, le sens de Al-Mabadi, le sens de Tawhid, de Aqidah, de Fiqh, et ainsi de suite. Donc là, le Cheikh commence directement avec le livre sous forme de questions-réponses, comme nous l'avions dit, car cela est une façon qui est plus forte pour pouvoir ancrer la chose dans l'esprit de l'auditeur, hein, de l'étudiant, de l'auditeur. Donc il dit, أولاً إذا قيل لك من خلقك فقل خلقني الله وخلق جميع المخلوقات والدليل قول الله تعالى الله خالق كل شيء. Donc la première question que l'on apprend au serviteur, c'est s'il te dit qui t'a créé, car toute chose a un créateur. Toute chose a un créateur, et que même vous trouverez rarement des gens n'étant pas, même parmi les koufars, c'est une chose qui est reconnue, la présence de créateurs. Rares sont ceux qui la nient, ce qu'on appelle les athées. Et même eux, les athées, bien qu'ils prétendent cet athéisme, ils ont des expressions qui amènent à reconnaître la présence d'une création, d'un créateur. Par exemple, ils te disent dame nature, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il y a une force qui est là, qui existe, qui a créé. Mais que certains s'obstinent et disent non, tout est venu par hasard, ce qui est une chose qui est complètement qui ne tient pas debout. Toujours est-il que la plupart des gens, je parle dans des koufars même, pas des musulmans, les musulmans, ça c'est Ibn Muttafaqun alayh, Ijma, car celui qui ne croit pas en un créateur, ben, c'est pas un musulman. Mais chez même les gens qui ne sont pas de l'islam, vous verrez qu'ils reconnaissent la présence d'un créateur. Donc la question est, qui est ce créateur ? Man khalaqak. Fal jawab, c'est Allah qui m'a créé. Khalaqani Allah. Wa khalaqa jami'a al-makhlouqat. Il est celui qui a créé toute la création, toutes les créatures. Donc de là, on te demande c'est quoi le dalil ? Toi, en tant que musulman, c'est quoi le dalil ? Le dalil, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il dit Allahu khaliqu kulli shay. Que Allah a créé toute chose. Allah a créé toute chose. Donc renier l'existence d'un créateur, ce n'est parmi les choses les plus déraisonnées que l'on puisse trouver chez un humain. Un exemple avait été cité par l'imam Abu Hanifa, où il parle de. Il a eu un débat avec une secte indienne, je crois, qui eux, justement, niaient l'existence d'un créateur. Ça, c'est une histoire, je ne connais pas le sanad, mais elle est souvent répétée, beaucoup dans les livres on la trouve, où il dit qu'il avait rendez-vous avec eux. Et il tarda à venir au rendez-vous, volontairement. Lorsqu'il se trouva devant eux, ils lui demandèrent pourquoi as-tu tardé. Il dit car je méditais sur un bateau qui viendrait sans capitaine, sans équipage, et dont la marchandise se viderait toute seule sur le port, ainsi de suite. Donc ces gens-là lui dirent, mais toi tu es fou, tu as perdu la raison, ce n'est pas possible qu'un bateau vienne sans équipage et sans capitaine, et que les marchandises descendent toutes seules. Il leur dit, alors vous dites cela pour un bateau, alors que dites-vous de cette création qu'est la terre et tout ce qui s'y trouve à la disposition de l'homme. Toutes ces choses qui se trouvent, comment sont-elles venues? Et là, ils ne purent lui répondre. Car quand on médite, c'est clair, demain tu prends un kafir qui présente être athée, tu lui dis tout simplement, j'ai vu une voiture qui roule toute seule. Il va dire, c'est pas possible. À part, bien sûr, une voiture télécommandée, ça c'est, on parle pas de ça. Une voiture qui est venue, ses roues sont assemblées, son volant, ses freins, ses rétroviseurs, ses sièges et tout ce qui s'ensuit. Tout seul. Il va dire, c'est pas possible. Une voiture, c'est obligé, il y a quelqu'un qui l'a fabriquée. On lui dit donc, regarde bien, qu'est-ce qui est plus grand et immense? Une voiture ou les cieux et la terre? Et tout ce qui s'y trouve? Le corps humain? Comment il est constitué? Qu'est-ce qui est plus grandiose? À ce moment-là, il ne pourra rien dire. Tu dis donc comment tu ne peux pas croire qu'une voiture a été fabriquée toute seule, et tu as raison, alors qu'un corps humain, avec tout le système qu'il y a, immunitaire, ainsi de suite, comment tu respires tout seul, le sang dans les veines, tout ce qui s'ensuit, tu n'arrives pas à croire que cela est un créateur également. Et là, il ne pourra pas te répondre. Peut-être qu'il va philosopher, il va essayer de sortir des choses tirées par les cheveux, comme on dit, il ne pourra pas répondre. Donc tu lui dis, cela implique forcément la présence d'un créateur. Tu n'as pas été créé comme ça. Regarde ton corps humain. Quand tu te blesses, regarde tout bien, tu te cicatrises automatiquement, sans que tu n'aies rien à faire. C'est agile. Ton sang circule dans les veines, sans que tu n'aies rien à faire. C'est agile. Quand tu es attaqué par des virus ou des bactéries, ce genre de choses, des microbes, ton corps a un système immunitaire qui te défend. Ça, c'est agile. Quand tu manges, ta nourriture, tout ce qu'il y a de bon et de bénéfique pour ton corps, reste et le reste est évacué. Enfin, les excréments. Cela est agile. Et malgré tout cela, tu ne veux pas accepter que tu es un créateur. Tu es venu comme ça. Tu étais un embryon dans le corps, dans le ventre de ta mère. Tu es sorti, tu as grandi, tu as évolué. Ça, ça s'est fait tout seul. Il ne pourra pas répondre si on lui dit ça. Si jamais tu vois que le kafir veut débattre ou veut s'obstiner, prends-le avec des choses toutes simples comme celle-ci. Sa création. Lui, comment il est. Dis-lui pourquoi tes dents s'arrêtent, elles ne continuent pas. Quand tes dents, elles tombent, elles repoussent, à part pour l'adulte. Tes sourcils s'arrêtent. Tes cils s'arrêtent, ils ont une limite. Pourquoi ils ne continuent pas à pousser alors que tes cheveux, ils continuent à pousser. Tes ongles continuent à pousser. Qui est-ce qui contrôle tout ça? Comment cela se fait? Que si jamais tu n'as pas de créateur, qui a instauré ces lois physiques à lesquelles, sous lesquelles ton corps est soumis? Par exemple, tu dors, il faut que tu dormes. On te défie de ne pas dormir pendant 3 jours d'affilée, tu ne pourras pas. De ne pas manger, tu ne pourras pas. De ne pas boire, tu vas mourir. Donc qui c'est qui a instauré ces limites par rapport à ton corps? Le hasard, dans ce sens-là, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas dans ce sens-là. Dame nature, c'est qui de nature? Et en plus, il nous dit que dame nature, c'est une dame. Donc dame nature, comment elle mange, comment elle vit, comment elle fait? Ça, c'est les choses vraiment ahurissantes qu'ils ne veulent pas accepter. Mais ils sont très peu. Franchement, ils sont très peu. Vous verrez très peu de koufars refuser la présence d'un créateur. Donc pour revenir à son verset, nous disions « Allahu khaliku kulli shay ». Tout d'abord, le khalq, le fait de créer, le khaliq min asma'illah. Le khaliq min asma'illah, qui veut dire le créateur. Tu peux appeler ton enfant Abdul Khaliq. C'est un nom qui existe. Abdul Khaliq. Et pourtant, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, a affirmé le terme Khalid à autre que lui. Même dans des hadiths, cela est venu. Par exemple, Cheikh Othaymine en parle dans la Muqaddima de l'école Mufid, qui sont chargés de Kitab Tawhid. Qu'est-ce qu'il dit? Qala ta'ala, hal min khaliqin ghayrullah, yarzukukum min as-samai wal-ard. Dans le verset où il dit, y a-t-il un autre créateur qu'Allah qui vous octroie votre subsistance depuis les cieux et la terre? فهذه آية تفيد اختصاص الخلق بالله لأن الاستفهام فيها مشرب المعنى التحدي. Donc il dit ce verset démontre comment? Démontre que le fait de créer est une chose qui ne revient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le verset est venu sous forme de question, hein, sous forme de défi. Car Allah te défie de le faire, tu ne pourras pas le faire. Donc la création est une chose qui est propre à Allah. Personne ne peut créer autre que Allah. Maintenant, question. Amama warida min isbat khaliq ghayrullah ka qouli Allah ta'ala fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa qoulihi sallallahu alayhi wa sallam fi musawwirin yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Fal jawab fa hadha laysa khalqan haqiqatan wa laysa ijadan ba'd adam. بل هو تحويل الشيء من حل آخر وأيضا ليس شاملا بل محصور بما يتمكن الإنسان منه ومحصور بدائرة ضيقة فلا ينافي قولنا إفراد الله بالخلق. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans d'autres preuves il est venu l'affirmation que autre que Allah puisse créer, comme dans la parole d'Allah dans le sens où il dit Tabarakallah, le meilleur des créateurs. le meilleur des créateurs. Ça veut dire que peut-être qu'il y a autre que Allah qui crée. Et également dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle des Moussawwirin, c'est-à-dire ceux qui façonnent des images dotées d'âmes, des êtres vivants dotés d'âmes, les Moussawwirin, qu'est-ce qu'il dit ? Que Allah yawm al-qiyamah leur dira « Faites vivre ce que vous avez créé. » Faites vivre ce que vous avez créé. « Ahyu ma khalaqtum. » Donc en réalité, le shir dit, il s'agit là d'une création, ce n'est pas une réelle création. Comme le fait qu'à la vraie création qui revient à Allah, la vraie création absolue, c'est le fait de faire être une chose après le néant. Alors que cette création attribuée à la créature, elle, c'est juste le fait de modifier une chose d'une apparence à une autre. Ou d'une constitution à une autre. C'est tout. Par exemple, une barque en bois qui vogue sur la mer. Cette barque, à la base, quelqu'un va dire, moi j'ai créé cette barque. Dans le sens qu'il a en fait pris les éléments extérieurs, le bois, le plastique, le fer, qu'il a tout assemblé ensemble, il en a fait une barque. Dans ce sens-là, on peut lui attribuer une forme de création. Mais c'est une création... comment dire, qui est partiel et non pas total. La totale, c'est est-ce que tu as créé ce bois ? Il va te dire non. Ce fer, tu l'as créé ? Il va te dire non. Est-ce que ce plastique, tu l'as créé ? Il va te dire non. Moi, j'ai juste rassemblé là, là et là et là, et j'ai assemblé tout ensemble. Donc, tu as assemblé. Mais la création pure qui est de faire devenir une chose après qu'elle était néant, cela ne revient qu'à Allah. Le bois, c'est Allah qui l'a créé. Ce plastique, c'est Allah qui l'a créé. Ce fer, c'est Allah qui l'a créé. Par exemple, on a une marque en France qui s'appelle, vous la connaissez, Renault. Comment il se nomme ? Créateur d'automobile. En réalité, on va dire assembleur de pièces pour fabriquer des automobiles. Car l'origine des pièces, la matière première des pièces, ce n'est pas eux qui l'ont créée. Ils ont donné forme à la voiture en mettant en assemblant toutes les pièces. Naam. Mais est-ce que maintenant, on leur donne rien, là, on les met dans une pièce fermée, sans aucun outil, sans aucun instrument, sans aucune matière première, on dit fais une voiture. Il ne pourra pas. Allah, s'il veut une chose, juste dit soit alors allez. Ça, c'est la création pure. Mais l'être humain ne peut pas le faire. L'être humain ne peut pas le faire. Ça revient que Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khalq min sifatillah, wal khaliq min asma'illah. Maintenant, un autre tambih qui est. Allah khaliqu kulli shay. Allah crée toute chose. Là, il y a un takdir également. Il y a un sous-entendu. C'est Allah khaliqu kulli shay huwa makhluq. Qu'il a créé toute chose qui est créée. Car des gens se servent de ce verset-là pour dire que le Coran est créé. Ils disent comment ? Allah dit qu'il a créé toute chose. Donc le Coran est une chose. Donc Allah, il a créé aussi. On leur dit non. Kul, ici, revient à toute chose qui soit créée. Par exemple, on va leur dire, en répondant à cette question, est-ce que Allah est une chose ou pas ? Hal Allahu shay am la ? Et pour peut-être pas trop répondre, on va leur dire Naam, Allahu shay. Kafi qouli ta'ala, kul ayu shay akbaru shahada, kulillah. Quelle chose est le plus grand témoignage ? Dit Allah. Allah est une chose. D'accord ? Allah est une chose. Allahu shay. Donc est-ce que Allah s'est créé lui-même ? Là, il ne pourra pas répondre. Donc on dit non. Cet istidlal avec ce verset, tiré le maudi'i. Il est hors contexte. Tu ne peux pas prendre ce verset comme preuve pour dire que le Coran est créé. Et le sujet de la création du Coran, Inch'Allah, viendra par la suite dans ce livre. Donc pas la peine trop de s'y attarder. Et également, une chose qui prouve que Kul, qui veut dire tout à la base en arabe, des fois, ne veut pas dire tout dans l'absolu. Kafi Kuli Ta'ala, Rihun fi Adabun Alim, Tudamiru Kulli Shay'in bi Amri Rabbiha. Dans l'histoire des Had, lorsque Allah SWT dit qu'un vent contenant un châtiment douloureux qui détruit toute chose par ordre de son Seigneur. Les Had, quand ils ont été détruits, c'est le peuple de Had qui a été détruit. Est-ce que toute la terre a été détruite ? Non. Dans le verset, pourtant, Allah a dit « Tudamiru kulli shay'in »« Tudamiru kulli shay'in » Elle détruit toute chose. C'est-à-dire toute chose sur son passage, sur le passage du vent. Et non pas toute chose dans l'absolu. Par ordre de son Seigneur. Donc même le mot cool, des fois peut être employé partiellement, et non pas dans l'absolu. Donc, de cette question, on en tire quoi ? Que Allah est notre créateur. Et le créateur de toutes choses. Toute chose qui existe, qui a été créée, c'est Allah qui l'a créée. Et la créature, elle n'a fait que modifier et assembler. C'est tout. Mais l'origine de la chose, de la création, c'est d'Allah qu'elle vient. Qui est de faire de mettre une présence après avoir été néant. Ça, cela ne revient que Allah et personne ne peut le faire. Impossible. Ensuite, il dit « إذا قيل لك من ربك » S'il te dit « Qui est ton Seigneur ?» فقول ربي قل الله ربي ورب كل شيء والدليل قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا ورب كل شيء وهو رب كل شيء. Donc il dit que Allah est mon Seigneur et le Seigneur de toutes choses. Et la preuve en cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit dans le sens dit vais-je rechercher autre que Allah comme Seigneur alors qu'il est le Seigneur de toutes choses. Le Seigneur de toutes choses. Donc là, le Seigneur, Jabi al-Arabi mana al-Rububiya, la Seigneurie, qui est une troisième des trois catégories du Tawhid, cela va venir quasi, également dans le Ders. Et celle-ci consiste à quoi ? Le fait que Allah a le contrôle sur toutes choses. Sur toutes choses. Et que tout lui appartient. Al-Mulk, Al-Mutlaq, toute la création lui appartient. Et qui contrôle toute chose, la création, que ce soit les vents, les mers, la construction de la créature, de l'homme, toute chose. Le contrôle lui revient totalement. D'accord ? La chose lui revient totalement. Nous sommes Nahnu Ibadallah. Nous sommes les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, de deux sortes, ou de notre plein gré, en ayant accepté l'islam, ou sous les lois naturelles que Allah a imposées. Al-Amr Kauni. Comme nous l'avons dit au début, par exemple, du fait de nous être soumis à Allah en rentrant dans l'islam, nous avons accepté de nous soumettre à son ordre shar'i, légiféré, comme le fait de faire les salawat, d'accomplir les cinq piliers de la religion. Les obligations de les accomplir, de délaisser les interdictions. Tout cela, c'est l'ordre légiféré. Maintenant, l'âme kauni, tout le monde y est soumis. Toute la création y est soumise. Les musulmans comme les kuffars, les humains comme les animaux comme les plantes. Tout ce qui existe est sous l'âme kauni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'avons dit au début, par exemple, l'être humain, quand il tombe malade, cette maladie, c'est une chose que Allah a décrétée sur lui. Cette fatigue, qu'il faut qu'il se repose, c'est un ordre d'Allah sur sa création. Le fait qu'il mange pour rester en vie, qu'il boive, cela revient à Allah. C'est une chose que Allah a imposée à la création. Que tu le veuilles ou non, tu seras obligé de le faire. Même le kafir est soumis à ces lois-là. Nous sommes tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Min haythu al-amr ikawni. Amma shar'i, hadha faqat. Khasun bil muslimin. Cela ne revient qu'aux musulmans. Donc cela nous prouve quoi ? Qu'on a un Seigneur. Et nous sommes ses serviteurs. D'accord ? Wa ar-Rabb. Le mot Rabb est parmi le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb avec Alif wa Lam, Ar-Rabb. Ça c'est un nom qui ne revient qu'à Allah. Par contre, Rabb, tout seul ou avec un mudaf ilayhi, cela peut être attribué à la création. Mais Arab, Alif Wallem, cela n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les preuves de cela, par exemple dans le hadith de Jibril, qu'on a pris dans Abu al-Nawawi, à la fin, lorsqu'il est interrogé sur les signes de la fin des temps, qu'est-ce qu'il dit ? Antalida al-Amatu Rabbataha. Que la servante mette au monde sa maîtresse. Donc là, Rabba, c'est le mot qui vient du mot Rab, son féminin, avec un mot d'offilei qui est Damir Ha. Qui revient à la servante, qu'elle mettra au monde sa maîtresse. Donc ce mot peut être appliqué pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Ruboubiya bizatiha, qui est le fait de contrôler la création, cela ne revient que à Allah. Et nous sommes tous soumis à son Amr et Kauni, comme nous l'avons dit. Donc, là, on a commencé par savoir qui nous a créés. C'est Allah. Cette création implique quoi ? Ar-Rububiyya. Que celui qui nous a créés, forcément, plus fort que nous, plus haut que nous, plus grand que nous, et que toute chose. S'il a tout créé, ces choses-là, c'est qu'il les contrôle. Donc cela implique quoi ? Ar-Rububiyya, c'est lui, Ar-Rab. Al-Kharq, yulzim minhu, Ar-Rububiyya. Ensuite, après qu'on ait su qui nous a créés, et ce pouvoir du Créateur sur nous, savoir la cause, pourquoi il nous a créés. Et ça, c'est la troisième question qui vient dans le livre. Il y a qui l'alak, l'imada, khalaqat Allah. S'il te dit, pourquoi est-ce qu'Allah t'a créé ? Quelle en sera la réponse ? Faqul, khalaqana li'ibadati. Wa dalilu qawlullahi ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Donc, s'il te dit pourquoi Allah t'a créé, tu dois répondre Allah m'a créé pour son adoration. Et là, pendant cela, la parole d'Allah, dans le sens où il dit et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le verset clé et principal démontrant la cause de la création de l'humain et du djinn, les mukallafin, que nous n'avons été créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. يعني العبادة أولا سيكون العبادة عبادة سنة دوراتيو وقد عرفها الشيخ الإسلام من تيمية على plein de définitions, mais la meilleure c'est celle qui était donnée par Cheikh l'Islam où il dit عبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. C'est un mot d'ensemble qui regroupe tout ce que Allah aime comme acte ou parole apparent caché. Car les actes peuvent être les actes du cœur intérieur, on ne les voit pas. Et apparent comme la salate. Et les paroles également. Les paroles, tu peux parler de façon extérieure, ce qui est l'origine, tout comme tu peux parler en toi. Avoir des paroles en toi, que Allah, c'est ce que tu dis en toi. Donc l'adoration revient à ça. C'est un mot large. Contrairement à ce que des gens disent, que la salate, comme beaucoup l'imaginent, parmi les ignorants, parmi les koufars, que l'adoration est limitée par exemple à la salate, au siyam, au hajj, ce genre de choses. Par exemple, les koufars, eux, ils disent qu'ils adorent Dieu, comme ils le prétendent, lorsqu'ils sont à l'église, le dimanche matin. Quand ils sortent, khalas, on fait tout ce qu'on veut. Notre adoration est limitée à un lieu, à un temps et à un acte précis. Masakin, Wallah masakin. Alors que nous, le musulman, par une simple attention, il adore Allah. Un acte qui peut être anodin aux yeux de tous peut être une adoration auprès de lui. Peut-être même le faire entrer au paradis, comme cela est venu qu'un homme a ôté un arbre qui dérangeait les musulmines sur leur terrain, sur leur lieu de passage. Le fait qu'il ait vu comme niya d'aider les musulmines, cela lui a valu quoi d'entrer au paradis? Un kafir ne va pas comprendre ça. Il dit pourquoi tu fais ça? Tu dis par adoration, pour Allah. Lui il va le faire juste pour par exemple, sa voiture, il y a un truc devant devant la route, une pierre qui gêne. D'accord ? Cela l'empêche de passer. Il va enlever la pierre, c'est tout. Une récompense ? Non. Parce que il serait passé à côté de la pierre, il n'aurait même pas calculé la pierre. Alors que le musulman, lui, en pensant à la récompense qu'il peut avoir par l'ihtisab, qu'est-ce qu'il va faire ? La pierre, il va venir et l'enlever. On y a de quoi ? De ibadah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, à la base, est en ibadah dans ce qu'il fait. Voire même des actes, si jamais il ne met pas de niyyah pour Allah, cela lui fera faire quoi du shirk et le fera entrer en enfer éternellement. Comme par exemple le tawakkul ou la peur. Tous les actes, l'amal al-qalbiya, c'est une paniya pour Allah et t'en prends dans le shirk. Sauf que même les gens ne s'en rendent compte. Donc la ibada, c'est un mot qui est large. Et Allah nous a créé pourquoi ? Pour qu'on l'adore. Wa ma kharabtul jinn wal insa illa liya'budun. Cette adoration, comment la connaître ? Dans le Coran, tout ce que Allah ordonne et aime ou interdit, cela est une adoration. Si tu vois un verset où Allah te dit, t'ordonne de faire une chose sous les formes de Amr, par exemple, il dit, Atiru Allah ou Atiru Rasul. Obéissez à Allah et à son messager. cela est une adoration. Ou quand il dit d'éviter une chose, cela est une adoration de ne pas le faire. Lorsqu'une chose est citée, mustahabba, recommandée, cela est une adoration. Donc de là, nous savons le but de notre présence. Car des gens, des fois, sont perdus. Parmi les koufars, tu dis pourquoi tu existes, ici, je ne sais pas pourquoi j'existe. C'est là, il est perdu. Tu dis, moi, je sais pourquoi j'existe. Je sais qui m'a créé. J'existe pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis dans son royaume, c'est mon Seigneur et c'est lui qui m'a créé. Réponse aux trois questions. Car, bien sûr, l'être humain n'a pas été créé vainement. Comme le Ta'ala, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous avons créé vainement et que vous n'allez pas revenir auprès de nous? Comme le Ta'ala, كَذَلِكَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. Est-ce que l'homme pense qu'il a été, qu'il n'aura pas de compte à rendre? Pense-tu que tu es là sur terre, comme ça, sans raison? وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَكِيمِ. Tu as été créé pour une hikmah, pour une sagesse qui est quoi? L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la présence, notre présence sur terre a une cause, a une raison. Et celui qui pense à cela, et le sait, cela l'aidera à se tenir droit, à savoir qu'un jour il aura des comptes à rendre. Car pourquoi tant de gens commettent des crimes parmi les koufars? Car ils disent que moi, je suis un homme. Le juge qui va me juger au tribunal, c'est un homme comme moi. Il a rien plus que moi. Et je peux le doubler. J'en ai un billet, c'est bon, il va me lâcher. Je le paye un pot de vin, il va me lâcher. Mais Allah s'en ça ne marche pas ça avec lui. Yom al-Qiyama, kullu kabirin wa saghirin, elle sera donnée. Comme le Ta'ala, yakul kafir, ma'ali ad al-kitab, la yuradiru salatan wa la kabiratan, il ahsaha. Quel est donc ce livre qui ne délaisse aucune chose, ni petite ni grande, sans qu'il ne la cite? Toute chose, tu en rendras compte pour ces choses-là. Donc tu as été créé pour une raison. Et dans cette raison, c'est l'adoration. Et des choses ont été imposées, applique-les autant que tu peux. Des choses ont été interdites, évite-les. Et des choses te sont permises. Fais-les tant qu'elles ne te mènent pas justement à tomber dans une chose interdite. Et fais-les tant que ça t'aide justement à pouvoir accomplir cette obligation qui est sur toi. Naam. Également dans ce verset, on tire quoi? On sait que les deux mukallafines sont les djinns et les hommes. Et que le djinn a été créé avant l'homme. Hein, le djinn a été créé avant l'homme, comme le Ta'ala, wal djinna khalaqnahu min qabl min narin samum. Et le djinn, nous l'avons créé auparavant d'un feu ardent. Également, donc, comme cela est venu dans le hadith qui cite la création d'Adam, alayhi salam, que Iblis était présent avant Adam. Et Iblis est un djinn. Et les djinns ont été créés de quoi? De feu. Et l'homme a été créé de quoi? De terre malléable. De terre malléable, c'est-à-dire debout. Naam. Donc de là, nous avons pris ces trois premières questions qui sont les unes à la suite des autres. Qui t'a créé? C'est Allah. Et tu, également, qui est ton Seigneur? C'est Allah. Et pourquoi t'as créé? Pour que tu l'adores. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu ta'ala a'lam. طيب فبهذا القدر نكتفي الحمد لله رب العالمين مع تحية دمام أفاف وانكم.